modeste, hein. T'as t'es super modeste, t'es fier de rentrer hein, quand même, toi. Ok, attends, c'est pas fini, je retourne. La modestie dans un pays, c'est une valeur qui se perd. Les jaloux s'inventent, vite, vite, va leur dire de se taire. Moi, je suis venu kicker, communiquer, tout ce qui peut te faire polémiquer. Pour liquider, intimider les wacks, les éradiquer. Tu peux dire à tes potes qui peuvent sortir le mercurochrome. Tous ceux qui ont cru que j'étais une mercurochrome. Je préfère l'indépendance car il n'y a pas de vertu au trône. Les anciens du vrai rap ont tous perdu le contrôle. Les rimes sont triturées, dans le one mic c'est notre rituel. Dans le rap j'ai envie de durer, mes schemes et conflictuels. Trop de faux se confient eux-mêmes dans cet art. Regarde la vie qu'on mène, on fonce dans le mur ou dans cet art. Tous les ennemis face au one mic peuvent vendre leurs armes. Préviens-les qu'on laisse rien passer comme Vander Sar. Dans le rap ils ont tout mangé, nous on vient prendre leur part. Marre d'entendre leurs conneries, on va prendre leur star. Kéfir, bien. T'as un pur niveau, mec, t'as un pur niveau. Non, mais il assure, hein. Franchement, ça fait plaisir. Merci, Kéfir. Voilà. Eh ben, merci à toi, Kéfir, hein. Ouais, prends soin de toi. Grosse dédicace à toi, Kéfir. Mais continue bien comme ça, Kéfir. Tiens bon, Kéfir. K-E-F-Y-R. Putain, c'est qui celui-là? C'est de la merde. Il m'a fait transpirer, ce con.